sera donc le cours numéro 18. Al-Hannawiyya. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Que toutes les louanges soient à Allah et que les éloges d'Allah et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur toute sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des guidées est la voix de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Et les pires des choses sont toutes choses qui sont inventées dans la religion complète d'Allah afin de se rapprocher d'Allah. Toute chose qui est inventée dans la religion complète d'Allah dans le but de se rapprocher d'Allah, cela ça s'appelle des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc, on va continuer. Ça, c'est sur le Maraklofik. C'est le matin du hadith. Numéro 2, on a déjà vu le 1 et le 5. Hein. Je répète. Donc, vas-y. Donc, c'est le hadith numéro 2. Tu l'as le livre ou pas? Justement. 40. D'accord. Sinon, bah, tu le donnes à Abdelaziz. Vas-y. Vas-y, prends la main. Ouais, tu l'as chez toi. Donc, tu n'auras pas de copie alors. Allah al-Musta'an. On change de rêve ? Non, on est toujours dans le 2. Là, on doit terminer la salette. Ouais. C'est pour ça. Donc, on a vu déjà dans les cours, dans les deux cours précédents sur le deuxième pilier, parce qu'on n'est qu'au deuxième pilier de l'islam, hein, sur la description de la salette. Et puis, donc, il y a une position qu'on n'avait pas vue. Parce qu'on avait, dès qu'on avait vu ensemble la description de la salette, vous savez, il y a la position assise que l'on a et que l'on fait uniquement dans la quatrième raka'a. D'accord ? Lorsqu'on est dans la quatrième unité, vous savez, au deuxième tashahhud, le tashahhud final. D'accord ? Donc on en est au tashahhud final. Et donc, je vous ai fait une copie là. Donc, de ce qui est Maraklofik, tiens, si tu peux t'amener. 2, 3, 4. Et puis Giovanni, il faudra lui transmettre, Inch'Allah. Hein. Maraklofik. Il y avait Giovanni, et puis. Giovanni, c'est vos parents qui sont venus. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit. Ouais. Et puis Yassine, tiens, tu donneras aussi à Yassine. Giovanni et Yassine, Inch'Allah. Et donc, Maraklofikum. Cette position s'appelle. Le tawarruk, c'est-à-dire on a la jambe gauche, on la met donc sur le sol et on va faire passer le pied gauche en dessous du tibia droit. D'accord. Et on va avoir la moitié du postérieur laqué directement assis sur le sol, avec bien sûr les doigts, les orteils en direction de la qibla, les orteils du pied droit, d'accord. Et cette position là d'accord, les savants disent qu'on ne la fait que dans le dernier tashahhud, des prières ayant minimum 3 unités. D'accord ? On ne le fait pas pour le Fajr. D'accord ? C'est-à-dire, pour les prières à 2 unités comme le Fajr, c'est la seule prière à 2 unités parmi les prières obligatoires. Parmi les prières obligatoires, je parle. Et bien donc, on fait, lorsqu'on en est au tashahhud final, dans la prière qui est obligatoire du Fajr, et bien on s'assoit sur le pied gauche. D'accord ? On s'assoit sur le pied gauche. Avec les orteils du pied droit qui sont pliés et en direction de la Qibla. D'accord ? Tandis que les salats, comme la salat du Maghrib ou la salat du Isha ou du Dhuhr ou du Asr, d'accord ? Lorsqu'on arrive au dernier tashahhud, qui est lorsqu'on en est à la quatrième unité, hein, d'accord ? Donc on a fait la quatrième unité, là on en est juste avant de faire les salutations finales, lorsqu'on est en train de faire le tashahhud final, d'accord ? Et bien là, on s'assoit avec le postérieur qui est sur le sol, on fait passer le pied droit, vous voyez il est libre le pied droit, le pied gauche, je ne suis pas assis dessus. Je fais passer le pied gauche sous le tibia droit, d'accord ? Avec les orteils en direction de la Qibla, d'accord ? Et on avait vu, j'ai la main gauche qui est tendue sur la cuisse, la preuve est rapportée sur cela, tandis que la main droite, donc, empoigne comme ça, et puis l'index en direction de la Qibla. Et on ne fait pas les mouvements circulaires comme on peut le voir, d'accord ? Chez certains. Donc c'est juste de légers mouvements du haut vers le bas, lorsqu'on commence à faire le tashahhud, lorsqu'on fait les doigts. D'accord ? Et donc, vous voyez en fait sur l'image que vous avez. Tiens, faut voir celle-là. Tiens, donne-moi celle-là. Voilà, Clofik. Donc, vous avez la toute première ici. Donc, parce que c'est écrit en arabe ici, donc vous pouvez écrire à côté. Donc, sur cette position-là, il y a une divergence des savants sur le fait de mettre les deux pieds collés pendant qu'on est assis avec les orteils en direction de la Qibla. Et qu'on est assis en fait sur les talons. D'accord ? Il y a une divergence des savants vis-à-vis de cette position-là, mais la majorité des savants considèrent que cette position n'est pas légiférée. D'accord ? Cette position n'est pas légiférée. D'accord ? Donc, tandis que les autres positions qui sont correctes, celle qui est écrite en arabe « sahih » ici, et celle qui est barrée, c'est celle qui n'est pas correcte, vous voyez ? Celle qui est barrée, celle qui n'est pas correcte. Donc, celle du haut, donc... Ziad, si tu l'as, Inch'Allah, parce que je l'avais envoyé sur le groupe WhatsApp, là. Ah, on m'entend pas. Tu m'entends ou pas ? Barakallahu fik. Donc, si tu l'as, Inch'Allah, la photo que j'avais envoyée sur le groupe WhatsApp, je sais pas si tu peux l'envoyer ici, là. Donc, Barakallahu fik. Non ? Non, c'est juste direct en audio, Barakallahu fik. Donc, ce qu'il y a, ça, c'est barré. Celle qui est barrée, c'est qu'elle n'est pas correcte. D'accord ? C'est une erreur. Et celles qui sont en dessous, ce sont celles qui sont en opposé à la sunna. Celles qui opposent la sunna. Les positions qui sont en dessous. Donc, celles qui sont correctes, ce sont en fait celles-là, à partir de là, en fait. Vous voyez ? Celles-ci. Les quatre qui sont du haut. Excepté celle qui est complètement du côté gauche. Donc on fait une différence entre ce que l'on recommande, d'accord, et ce qui est obligatoire. Si ça tombe dans l'obligation, il faut voir si cette obligation-là, donc c'est une obligation ou si c'est un pilier. Il y a encore une différence sur cela. Si tu délaisses une obligation, ça, tu pêches. Et ça invalide la prière si c'est délaissé délibérément, d'accord. Si c'est délaissé délibérément, donc c'est pour ça que là, non, c'est une position qui est recommandée, la sunna. Donc, tu es récompensé en appliquant la sunna. Donc, qui c'est qui ne veut pas être récompensé en appliquant la sunna ? D'accord ? Donc, lorsqu'on sait que c'est une sunna, alhamdoulilah, on l'applique. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait comme cela. Et vous savez que la sunna inclut ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait, ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné, ou ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a agréé de la part des sahabas qu'ils ont fait. D'accord ? Mais, donc ça ce sont trois, et il y a aussi le quatrième, ce qui s'appelle sunna tarkiyya. C'est-à-dire, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu faire, rien ne l'a empêché de le faire, il aurait pu le faire, mais ne l'a jamais fait, il l'a délaissé. D'accord ? Sachant que rien ne l'a empêché de le faire. Et bien ça, c'est ce qu'il délaisse, c'est le quatrième point ça. Comme par exemple, hein, la célébration du Mawlid. Rien n'empêchait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de célébrer sa naissance, son anniversaire. Rien ne l'empêchait. Il n'y a pas eu un empêchement ici. Cependant, malgré que rien ne l'a empêché, il ne l'a jamais fait et ne l'a jamais encouragé. D'accord ? Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé, donc toi si tu le délaisses aujourd'hui, tu appliques la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a délaissé cela. Donc si aujourd'hui l'individu le fait en disant « Mais non, moi je l'aime et toi tu ne l'aimes pas et tu le détestes parce que sinon tu l'aurais fait. » Eh bien en toute vérité, celui qui se met à faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait les moyens de le faire, mais il l'a délaissé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement dit dans l'autre hadith, il n'y a pas un bien qui vous permet de vous rapprocher d'Allah, qui vous permet de vous faire entrer au paradis, excepté que je vous en ai informé. Donc ça veut dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais informé sur sa naissance, ou la célébration de sa naissance, n'en a jamais parlé ni ne l'a fait, donc il n'y a aucun bien dans cela, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit. Naam ? C'est clair ? Oui ? Barakallahu fikum. Donc c'est pour ça qu'on dit, barakallahu fikum, que ça c'est recommandé, c'est la sunna. D'accord ? Donc, alhamdoulilah, nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sallu kamaraytumuni usalli, prie comme vous m'avez vu prier. Donc, tu te tiens à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, alhamdoulilah. Et lorsque tu fais des choses qui ne sont pas obligatoires, mais qui font partie de la sunna, et en souhaitant la récompense d'Allah Azza wa Jal, tu es récompensé dans ton application à la sunna. Donc, alhamdoulilah. Et vous savez que lorsque vous lisez la dernière partie du Coran, la dernière partie du Coran à partir de Surat al-Naba, Juz Am, lorsqu'il commence par Amma yatasa'alun, eh bien, dans l'explication des savants sur cette dernière partie, notamment, on voit que cette dernière partie mentionne sur le jour du jugement. D'accord ? Mentionne sur le jour du jugement, l'état des gens dans lequel ils seront. Subhanallah. Et subhanallah, le Cheikh Mohamed Saïd Raslan, Hafizullah, avait mentionné notamment que parmi les regrets de certaines personnes le jour de la résurrection, c'est le fait d'avoir délaissé des sunan. Subhanallah. Le fait d'avoir délaissé des sunan. Allah al-Musta'an. Donc, barakallahu fik. Donc ça, c'était pour la position. Donc vous l'avez comme ça, lorsque vous réviserez ça, Inch'Allah, ce sera plus concret vis-à-vis de la façon comment le faire. Donc, aujourd'hui, on va voir les piliers de la prière. Donc, je vous ai sorti également les conditions, parce que je vous avais dit, j'allais vous sortir tout ce qui est conditions, tout ce qui est piliers, tout ce qui est obligations. D'accord ? Donc ça, c'est du Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimallah. Hein. C'est exactement, c'est celui-là. C'est sur le son, ceux qui ne l'ont pas. De toute façon, normalement, je devais le commander, ce livre-là. Donc, Non, je l'ai, mais c'est pour lorsqu'on va le... Inch'Allah. Non, tiens. Barakallahu fik. Combien il en reste là? Donc tiens, tu donneras pour Giovanni et je te donnerai la dernière à Yassine là tout à l'heure, Inch'Allah. Parce qu'en même temps, on va pour. Parce que entre le livre et entre ce livre là, d'accord, il y a certaines. Donc la prière, elle a des conditions, elle a des piliers et des obligations. D'accord? Donc les salat fara'id wa arkan tatarakkabu minha haqiqatuha. La prière a des obligations, des piliers, d'accord, mais également les conditions. On avait vu, c'était quoi la différence entre la condition et le pilier? À part Bekran, la différence entre condition et pilier d'un acte d'adoration. On ne peut pas parler des piliers, déjà, ce n'est pas dans les conditions. J'ai une preuve. Il faut la phrase de Bekran de la dernière fois. Enfin, toutes les fois qu'il l'avait dit, machallah. La différence entre, si on vous dit, c'est quoi une condition et c'est quoi un pilier? Par exemple, pas d'exemple. C'est quoi la définition? Les ablutions pour la prière. Naam, oui, ça c'est un exemple. Ça c'est quoi ça, les ablutions? La clé de la prière. condition. Oui, c'est, barakallahu fik, c'est une condition. La condition permet de rentrer dans l'aberration. Pas permet, mais est nécessaire. Barakallahu fik. Pour rentrer dans l'aberration. Donc la phrase clé, le crâne. La condition, c'est ce qui accompagne des actes. Ben, après, le pilier aussi. Mais si l'un des deux manque, que ce soit la condition ou que ce soit le pilier, si l'un des deux manque, l'acte d'adoration est invalide. On sait aussi que si par exemple les conditions manquent, on peut pas parler de condition, non, de pilier s'il n'y a pas les conditions. Oui, mais la définition. T'en souviens pas? Donc, la condition, c'est ce qui est préalable à l'acte d'adoration. Préalable. C'est-à-dire déjà, c'est-à-dire toi, t'as fait le grand tour. Donc, pour faire raccourci, la condition, c'est ce qui est préalable à l'acte d'adoration. Par exemple, quelqu'un, il est sincère dans la prière qu'il fait pour Allah Azza wa Jal seul, avec tous les piliers de la prière. Cependant, c'est un kafir. Est-ce que c'est accepté? Non. Vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Il ne faut pas avoir de doute dans la réponse. C'est-à-dire, c'est un kefri et ce n'est pas accepté. Si ce kefri-là dit « Je témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah et je témoigne que Muhammad est le serviteur et dernier prophète et envoyé d'Allah. » Barakallahu fiik. Son attestation de foi n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il se repente du shirk et du kufr dans lequel il était. D'accord? C'est pour cela, lorsqu'on fait la da'wa à quelqu'un, il doit se repentir. D'accord? Parce qu'Allah Azza wa Jal dit فَإِنْ تَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent et font la prière et donnent la zakat en sourate Tawbah, ils deviennent vos frères en religion, car la fraternité n'existe qu'en islam. Il n'y a pas de frères dans l'humanité, comme on entend, d'accord, cette da'wa parmi la secte des frères musulmans qui veulent essayer d'introduire ça. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de fraternité dans l'humanité. D'accord? Il n'y a pas de fraternité dans l'humanité. Si Allah Azza wa Jal a annulé le lien familial entre nous, alayhi salam, et son fils, le fils de Nouh, Allah Azza wa Jalla a annulé le lien familial qu'il y avait entre Nouh, alayhi salam, Noé, et le fils de Nouh. Lorsque Nouh, alayhi salam, disait « C'est mon fils », Allah Azza wa Jalla lui répond en lui disant qu'il n'est pas des siens. Il n'est pas des siens. Vous voyez, subhanallah. Donc, barakallahu fikum. Qu'est-ce qu'on doit faire par manque de place pour mettre la jambe sous le tibia? Allah al-Musta'an. Barakallahu fik, akhi Mohamed. Lorsque dans la prière, lorsqu'on a du mal à mettre. Vous voyez par exemple si les rangs sont trop serrés, parfois vous avez du mal à faire cette position-là finale. D'accord? On craint Allah le mieux qu'on le peut, d'accord? Fattakullah masata'atum. Craignez Allah le plus que vous pouvez. Vous pouvez pas. D'accord. Mais lorsque vous pouvez, alors on le fait, Inch'Allah. D'accord. Mais si tout le monde, en fait, appliquait la sunna, il n'y aurait aucune gêne. Parce que tout le monde serait un peu incliné sur le côté gauche, comme ça. Donc, il n'y aurait aucune gêne, en fait. Mais comme ce n'est pas le cas, Allah al-Musta'an, donc on craint Allah le mieux que l'on peut, d'accord. C'est-à-dire que tu peux le faire, alhamdoulilah, tu ne peux pas le faire. Tu peux pas le faire, d'accord. Mais toi, tu as essayé. Donc, condition préalable à l'acte d'adoration. Tandis que le pilier, c'est ce qui est partie intégrante de l'acte d'adoration. D'accord? Tel que le fait de dire Allahu Akbar, tel que le fait de se prosterner, de s'incliner, d'accord? De se relever, de prendre son temps, comme l'on va voir. Donc, sur la feuille que je vous ai donnée, là, ce sera à partir de les piliers qu'on va voir. Là. Donc, les salat, fara'id, wa arkan. La prière a donc des obligations, des piliers, et sur cela, eh bien, s'établit sa vérité. حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا وهذه الأركان هي. Donc il dit ensuite, et il suffit qu'il manque un pilier. Là, on ne parle même pas de la condition, parce que la condition, elle doit être présente, comme on va la voir. Condition de la prière, au nombre de 9, l'islam, donc être musulman, la raison, être conscient, c'est-à-dire pouvoir discerner, yani être conscient, pas être... Le discernement entre le bien et le mal, ça c'est l'âge de raison, parce que vous, ça c'est lié à quoi? C'est lié à quel hadith? La plume est levée sur 3 types de personnes. Rufi' al-qalam 'an 3. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se lève. Celui qui a perdu sa raison jusqu'à ce qu'elle lui revienne. Et l'enfant qui n'a pas encore atteint la puberté, la maturité, jusqu'à ce qu'il l'atteigne. D'accord? Donc, les conditions, il y en a 9, il faut être musulman, être conscient, avoir l'âge de raison, avoir les ablutions, donc la purification, majeur ou mineur. Majeur, hein, ça c'est dans des cas précis, lorsque le mari a une relation avec sa femme, d'accord ? Mineur, qu'est-ce qui annule les ablutions mineures ? Ça, le fait d'acheter un gaz. D'accord, les flatulences, qu'ils disent, lâcher un gaz, l'urine, aller aux toilettes, vous voyez, le fait d'aller aux toilettes et puis. Saigner. D'accord, saigner, ça n'annule pas les ablutions. L'abondance. Non. Non, ça n'annule pas les ablutions. Non, mais quand t'as pas le choix. Non. Quand t'as pas le choix, Omar ibn Khattab, il avait pas le choix. Ça n'annule pas les ablutions. Ouais, ça n'annule pas. C'est une impureté. Le sang, c'est pour ça qu'on s'assure qu'on n'a pas de sang. D'accord, sur nous, on la nettoie. La place qui a du sang, on la nettoie. Mm-hmm. D'accord. Mais cependant, le sang n'annule pas les ablutions. Mm-hmm. D'accord. Donc, par exemple, uriner, avoir aller aux toilettes, d'accord, avoir des. Avec un langage un peu... Les flatulences, avoir des gaz, quoi. D'accord. Donc ça annule les ablutions mineures. Tandis que les ablutions majeures, ce qui est annulé avec tout ce qui est éjaculation, le fait que l'homme a une relation sexuelle avec sa femme. D'accord. Donc lorsqu'il y a cette relation-là, eh bien, il y a les ablutions majeures qu'il doit faire. D'accord. Ablution majeure... succinctement, c'est qu'il doit il doit nettoyer toute la partie, ses parties génitales. Ensuite, il fait les petites ablutions. Ensuite, une fois qu'il a terminé les petites ablutions, il met de l'eau sur ses cheveux et les frictionne 3 fois. Puis, il fait tout le côté droit sans toucher les parties génitales, bien sûr. Il fait toute la partie droite, d'accord. Puis, toute la partie gauche et s'essuie une fois les pieds. Donc à la fin, d'accord. Donc ça, ce sont les ablutions majeures. Non. En ce qui concerne le chien. Le chien. Si le chien. Il... Ça n'annule pas les ablutions. Il te touche avec la salive. Donc faut différencier entre le chien qui lèche la vaisselle, d'accord, et qui lèche les vêtements, d'accord. Donc avec les vêtements, eh bien tu frottes avec de l'eau, d'accord, comme ça pour. Tandis qu'avec la vaisselle, eh bien, tu dois laver 7 fois, dont la première fois, c'est avec du sable. D'accord ? Du sable ? Ouais. Du sable. Du sable. La première fois avec du sable et ensuite avec l'eau. D'accord ? Du coup, si ça lèche la peau ? Mais tu laves avec de l'eau. Il n'y a pas... Ça n'annule pas les ablutions, juste tu laves pour enlever cette impureté. D'accord ? Mais ce qu'il y a, c'est pourquoi il faut laver la vaisselle, parce qu'il y a des bactéries au niveau de la langue du chien, là, d'accord, qui sont nocives. Pour les affaires, non, tu laves juste, tu passes dessus, yani, avec de l'eau lorsque tu viens. T'as pas besoin de refaire tes ablutions si un chien, yani, il a léché ta main, tu vois. Tu laves, mais tu t'assures de pas mettre ça dans ta bouche. Les ablutions sont valides alors si le chien me lâche les ablutions. Non, juste tu passes de l'eau parce que c'est une impureté, ça, d'accord. Voilà, Clofi. Donc les conditions, il y en a 9, être musulman, être conscient, avoir le discernement, l'âge de raison, la purification, ablution majeure et mineure, la suppression des impuretés, d'accord, on s'assure qu'on n'a pas d'impureté, on s'assure qu'on n'a pas d'impureté sur nous, mais on s'assure également qu'il n'y a pas d'impureté sur l'endroit où est-ce qu'on va prier, d'accord. C'est-à-dire, lorsque là, par exemple, si on ne serait pas dans une mosquée, on prie dehors, lorsqu'on est en voyage, je ne sais pas, et tu t'assures que l'endroit est propre, d'accord, qu'il n'y a pas d'impureté. Se couvrir les parties intimes, d'accord. Donc ça veut dire que lorsqu'on prie, on ne doit pas avoir les parties qui ressortent, quoi. D'accord. Donc il faut faire attention avec tout ce qui est pantalon serré, etc. Donc il faut avoir donc... Mettez, il y a des khamis qui sont là, tu mets, t'en mets un, comme ça c'est tranquille, t'es assez vaste. Hein. Se couvrir les parties intimes, est-ce que vous pouvez définir c'est quoi les parties intimes? Les parties intimes, parties génitales. Quelqu'un peut porter un caleçon et prier. Non, parce que la aura, barakallahu fik, elle va d'au-dessus du nombril jusqu'à en dessous des chevilles. En dessous des chevilles, a'oudou billah. En dessous des genoux. En dessous des chevilles, c'est un péché majeur. Hein. Celui qui laisse ses vêtements en dessous des chevilles, c'est un péché majeur. D'accord? A'oudou billah. Et les savants ont divergé quant à l'acceptation de la prière de celui qui prie avec des vêtements qui tombent en dessous de ses chevilles. D'accord? Donc, laisser les vêtements en dessous de ses chevilles délibérément, c'est un péché majeur. C'est pas mineur. Majeur pour les hommes, Yann, pour les hommes, d'accord? Pour les hommes. C'est un péché majeur et que c'est sous-estimé par un grand nombre de la communauté. Vous savez ce que ça veut dire, péché majeur? Du vendredi au vendredi et des salats, et entre chaque salette, Allah Azzawajal, il pardonne les péchés de ses serviteurs tant qu'ils évitent les péchés majeurs. Ça, c'est dans le hadith authentique du prophète Muhammad, c'est conditionné par cela. L'absolution des péchés mineurs est conditionné par le fait de s'écarter des péchés majeurs. Et laisser les vêtements sous les chevilles, c'est un péché majeur. Donc si on va dire, oui, mais regardez, Abu Bakr, dans le hadith, radiallahu anhu, disait au prophète, ô envoyé d'Allah, lorsque je n'y prends pas attention, eh bien, il tombe sous mes chevilles. Le prophète, lui a répondu, tu ne fais pas partie des arrogants. Et donc aujourd'hui, ils veulent dire, mais moi je ne le fais pas par arrogance. On leur répond d'une part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela à Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Il lui a attesté que Abu Bakr n'est pas un arrogant. Donc aujourd'hui, on leur pose la question, qui vous a attesté que vous n'êtes pas des arrogants lorsque vous laissez le vêtement descendre en dessous de chez lui? Qui c'est qu'ils lui ont attesté de ça? Donc, ils ne peuvent pas dire que c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a attesté que Abu Bakr al-Siddiq n'est pas un arrogant. Et en plus, le deuxième point, c'est qu'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, c'est que, dans le hadith, c'est que lorsque je n'y prends pas attention, lorsque je n'y prête pas attention, ça veut dire que lorsqu'il ne faisait pas attention, parce qu'il était quelqu'un de maigre, d'accord, eh bien, donc, je mentionne les questions seulement au niveau du cours, pas des questions en dehors du cours, barakallahu fikum. Et le deuxième point, c'est qu'Abu Bakr al-Siddiq, c'est lorsqu'il n'y prêtait pas attention, ça descendait. Lorsqu'il y prête attention, il s'en rend compte, eh bien, il relève son vêtement. Parce que c'était quelqu'un de maigre et qu'il faisait des efforts pour que ses vêtements restent au-dessus de ses chevilles. On est d'accord? Tandis que celui qui se lève le matin et qui sait que son pantalon est en dessous de ses chevilles. Il ne peut pas venir en disant, non, je ne suis pas arrogant. Subhanallah. Même si l'individu prétend qu'il n'est pas arrogant, ça, on n'en sait rien. Parce qu'il n'a pas l'attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant que lui, ce n'est pas un arrogant. D'accord? Deuxième point, c'est que, en dehors de l'arrogance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Puisque Abdallah ibn Omar radiallahu anhu, lorsqu'il est rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il avait des vêtements qui descendaient en dessous des chevilles. Le prophète sallam lui a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Abdallah ibn Omar. Il a dit, si tu es un abd, si tu es un serviteur, un serviteur d'Allah, lève tes vêtements au-dessus de tes chevilles. Il les a levés. Il a dit encore, jusqu'à ça atteigne la moitié de ses mollets. Donc, barakallahu fikum, donc le minimum, c'est que ce soit au-dessus des chevilles. D'accord? Ça, c'est le minimum pour un homme, il faut que ce soit au-dessus des chevilles. Parce que sinon, a'oudhu billah, ça tombe dans un péché majeur. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est dans Sahih al-Bukhari, a dit « Ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa huwa fil-nar » La partie du vêtement qui est en dessous des chevilles est en enfer. Et vous savez que lorsqu'il y a une menace de l'enfer, cela le catégorise dans les péchés majeurs. Lorsqu'il y a soit une malédiction d'Allah, qu'un tel fait cela, ou une malédiction de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un tel fait cela, eh bien ça, c'est péché majeur. Ou soit Allah azza wa jalla a clairement dit que cela fait partie des péchés majeurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, ou soit une menace de l'enfer. D'accord ? Une menace de l'enfer, cela le catégorise dans les péchés majeurs. Barakallahu fi. Non, c'est pas une khutbah du Jumu'ah, c'est un cours. Barakallahu fi. Non. Pour les parties intimes, donc, les parties intimes, ce qu'il y a, c'est que ce que tu fais, c'est que tu t'assures d'avoir quelque chose d'ample. Regarde les khamis, tu mets un khamis. Si tu sais que ton pantalon, par exemple, lorsque tu vas te baisser, il y en a, ils vont se baisser, le t-shirt va se lever. D'accord ? Et ce qu'il y a, c'est que le dos ou le bas du dos va être découvert. Et le problème, c'est que la aura est découverte et donc ça invalide la prière. Je veux dire, par rapport aux limites, quelqu'un peut prendre un maillot en prime et si entre son nombril et ses genoux tout est couvert, il peut faire la prière. Naam, naam. S'il se couvre, naam. Okay. Au-dessus du nombril et en dessous des genoux. D'accord ? Et qu'il sait que lorsqu'il va se mettre en position inclinée, ou lorsqu'il va se relever, ou lorsqu'il va se mettre en position de prosternation, il sait que rien ne sera découvert. D'accord ? Parce que si tu fais un truc tout juste, parfois lorsque tu te mets en inclinaison, en recours, ça peut remonter. Tu vois ? Donc faut que tu t'assures que c'est bien couvert. Donc, se couvrir les parties intimes, l'entrée de l'heure de la prière... D'accord ? Il faut s'assurer que l'heure est entrée. D'accord ? L'orientation vers la Qibla et l'intention, bien sûr. D'accord ? Donc, concernant maintenant les piliers de la prière. Tout d'abord, Takbir al-Ihram. Donc, le Takbir d'ouverture. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم le hadith est حسن صحيح بارك الله فيك tout est important dans la religion Même la façon comment on bouge l'index durant la prière, c'est important. Rien n'est secondaire dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui a été révélé du haut des sept cieux par Allah Azza wa Jal est important. Barakallahu fik. D'accord ? Et actuellement, c'est l'explication du hadith 2 des Arba'in Nawawiyya et nous en sommes au deuxième pilier de l'islam. D'accord ? Et s'il y a, Inch'Allah, une question qui est importante en dehors de ce cours-là, eh bien, Inch'Allah, tu peux écrire un message, Inch'Allah, au frère, Barakallahu fik, au frère Ziyad. D'accord ? C'est celui qui est écrit Salafi 94, Barakallahu fik. Inch'Allah. Et ensuite, il me le transmettra. Jazakallah khir. Excusez-moi, parce qu'il y en a qui... Donc ça... Naam, tu disais quoi, Bakran ? Oui. Donc, premier pilier de l'islam, barakallahu fik akhi pour ta compréhension. Premier pilier de l'islam, takbirat al-ihram. Donc le fait de Le takbir d'ouverture, le fait de dire Allahu Akbar lorsque on ouvre la prière, d'accord? Selon Ali radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, il rapporte cela du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la clé de la prière, ce sont les ablutions. D'accord? La clé de la prière, ce sont les ablutions. Wa tahrimuha at-takbir, tout ce qui rend illicite de faire pendant la prière, c'est-à-dire illicite, c'est-à-dire de parler autre que ce qui est légiféré dans la prière, d'accord ? Ou de manger, ou de rire, ou de boire, tout ce qui rend illicite cela, c'est le fait de dire Allahu Akbar, c'est-à-dire ouvrir la prière en disant Allahu Akbar. Ce qui rend illicite. Illicite, ça veut dire interdit, d'accord ? Wa tahliluha et taslim, et tout ce qui rend licite, tout ce qui rend licite de faire, eh bien c'est quoi? Quand est-ce qu'on pourra se mettre à manger, boire, rire, parler autre que ce qui est légiféré durant la salat? C'est le fait de dire salamu alaykum, d'accord? Salamu alaykum wa rahmatullah. Lorsque tu fais le taslim, ça y est, maintenant tu peux donc reprendre dernier tes... Manger avant la prière. Non? C'est ça, c'est manger avant la prière, c'est ce qui... C'est-à-dire que pendant la prière, tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de rire, même si tu fais ha ha, ça annule ta prière. Pendant que tu es dans ta salette et que tu t'es souvenu, je ne sais pas moi, quelque chose, un souvenir ou quoi que ce soit, alors que tu n'es pas concentré, tu te mets à faire ha ha, comme ça, en voyant comme ça deux fois, ta salette, elle est invalide. D'accord ? C'est-à-dire tout ce qui te permet de rire, de boire, de manger, d'accord ? Eh bien, c'est interdit de le faire pendant la salat. Qu'est-ce qui l'interdit? C'est lorsque tu dis Allahu Akbar. Ça y est, t'es rentré dans la salat. Et ce qui te permet de refaire cela, de manger, rire et boire et parler autre que ce qui est dans la salat, c'est lorsque tu fais le taslim. Ça veut dire que t'es sorti de la salat, d'accord? C'est bon pour le hadith? La clé de la prière, ce sont les ablutions. Tout ce qui rend illicite de faire, à part ce qui est légiféré dans la prière, c'est le fait de dire Allahu Akbar, c'est le takbir d'ouverture. Et tout ce qui rend licite, c'est le fait de dire salam alaikum, de faire le taslim. Et aussi, an Abi Hurayra radiallahu anhu, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala lil musi salatahu. Et selon Abi Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui n'a pas fait sa salat correctement. Vous savez, ce hadith-là, on l'avait vu la semaine dernière, on en avait parlé notamment. Il y en avait un qui avait fait sa salat, et il a terminé. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, recommence, et prie, car tu n'as pas prié. Farja wa salli fa innaka lam tusalli. Retourne et prie, car tu n'as pas prié. Il a recommencé une deuxième fois, une troisième fois, et à chaque fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui disait, retourne et prie, car tu n'as pas prié. Et lui a dit, oh, envoyé d'Allah, je ne connais que cela. Puis, enseigne-moi comment alors je devrais le faire. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc lui a enseigné. Donc il lui a dit, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ. Lorsque tu te lèves pour la prière, pour prier, alors fais le takbir. C'est-à-dire d'ouverture de la salat. D'accord? Le deuxième pilier de la prière, al-qiyam fil fard lil qadir alayhi, al-qiyam fil fard lil qadir alayhi. Donc le fait de se tenir debout pendant la prière obligatoire pour celui qui en a la capacité, parce que vous savez que dans la prière qui n'est pas obligatoire, qui est surérogatoire, il est permis de prier assis, d'accord? Il est permis de prier assis, le hadith est authentique. Cependant, la récompense sera divisée par deux, comparée à celui qui prie debout. Ça, c'est dans la prière qui n'est pas obligatoire. D'accord ? Dans la prière qui est surérogatoire, il est permis de prier assis, même s'il en a la capacité de prier debout. Lorsqu'il fait une nafila, il peut faire la prière assis. C'est-à-dire, il s'assoit, yani, sur ses genoux, là par terre. D'accord ? Et il fait la prière comme ça. Cependant, la récompense est divisée par deux. Vous voyez, et c'est de moitié. Mais comment est-ce qu'il fait s'il est assis, il fait ce genou, oui, mais c'est-à-dire il se penche. Il se penche. Il se penche. Non, il se penche. D'accord. Puis après, il se rétablit, puis le soujoud, ben, il descend. Il était sur une chaise. Il descend en soujoud, comme si qu'il était. Non. Sauf que sur une chaise, il ne peut pas faire le soujoud. Mm. Et il descend beaucoup plus bas en soujoud. D'accord. J'avais une question, tu sais, par rapport à ce qu'on avait. Ça, c'est pour la prière qui n'est pas obligatoire, d'accord. Mais la récompense, elle est divisée par deux. Parce qu'il a la capacité de se tenir debout. Juste, Abdelaziz Baraklofik, je termine ce point-là. Retiens bien ta question, Inch'Allah. Tandis que celui, voyez le pilier, c'est le fait de se tenir debout pour celui qui en a la capacité. Donc on ne parle pas de ceux qui essaient de faire comme les kuffars en essayant de blinder la mosquée avec des chaises et des bancs. Tu vois, subhanallah. Parce que tu vois, dans les églises, ils ont les bancs et les chaises, et donc tout le monde veut s'asseoir. Et il y a certaines mosquées où est-ce qu'il y a des gens qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal comme il se doit. Il a la capacité de se tenir debout. Tu le vois, subhanallah, il est assis, en train de faire la prière, sur une chaise, il est assis sur une chaise. Puis lorsqu'il sort pour mettre ses chaussures, il ne s'assoit pas sur une chaise. Il reste debout, il se penche, et puis et après il se met à genoux, subhanallah. Il faut qu'on craigne Allah Azza wa Jal comme il se doit, barakallahu fikum. Celui qui en a la capacité, il se doit de se tenir debout. C'est un pilier de la salade. S'il en a la capacité et préfère s'asseoir, alors qu'il n'a aucun problème, aucune maladie, aucun... Yani, on ne parle pas de ceux qui ont des excuses. Ou est-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, il a un plâtre, ou il a un problème du dos, ou je ne sais pas, yani, chacun selon... Yani, s'il en a la capacité... Et refuse de se tenir debout, mais préfère s'asseoir sur un banc ou assis, comme ils font dans certaines mosquées, qu'Allah les guide et nous guide, amin. Eh bien, il faut qu'ils sachent que leur prière est invalide. Invalide. Ce n'est pas parce qu'ils prient derrière l'imam, parce qu'ils croient que c'est invalide s'il a la capacité de se tenir debout, mais refuse de se tenir debout pendant la salate. Donc, ça c'est le deuxième pilier. On se rappelle qu'il manque un pilier dans la salate, ça annule l'acte d'adoration. القيام في الفرض للقادر عليه قال الله تعالى وقوموا لله قانتين dans sourate al-Baqara verset 238 dans la traduction du sens du verset et tenez-vous debout devant Allah avec humilité verset 238 sourate al-Baqara وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وأمر بذلك عمران بن حسين فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Donc on voit dans ce hadith qui est aussi sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il priait debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait debout et il a ordonné cela à Imran bin Hussein en lui disant prie debout, si tu ne peux pas alors assis, et si tu ne peux pas, alors sur le côté. D'accord. Donc, premier pilier, on avait vu le fait de dire Allahu Akbar, le takbir d'ouverture. Deuxième pilier, le fait de se tenir debout. Troisième pilier, qira'at al-fatiha fi kulli rak'a. La lecture de la fatiha dans chaque rak'at. La lecture de la Fatiha dans chaque rak'at. Donc, il ne faut pas faire l'erreur, comme on disait la semaine dernière. La personne a fait une prière en groupe. Et il y en a, ils sont comme ça, subhanallah. C'est que même pendant les prières du Dhuhr, il ne dit rien du tout, il ne prononce rien. Il reste la bouche fermée totale. Il rentre dans la prière, il dit juste Allahu Akbar, et puis il reste pendant toute la prière, la bouche fermée. Il ne récite rien. Et après, il récite dans son cœur. Donc ça, ce n'est pas correct, barakallahu fikoum. Parce qu'il doit réciter de quoi s'entendre, comme on avait dit. De quoi s'entendre. Il ne faut pas que ce soit trop fort pour gêner le voisin, mais de quoi s'entendre. Alors, c'est... Oui, j'ai de quoi m'entendre. Et j'évite de gêner celui qui est à côté de moi. D'accord, barakallahu. Une question. Naam. Pourquoi il faut qu'on s'entende? Est-ce qu'il y a un hadith qui est venu sur ça? Naam. Les sahaba voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des prières silencieuses sa barbe est bougée. Et ceci prouvait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait pendant les prières silencieuses. Il ne restait pas bouche fermée. Barakallahu fik. C'était quoi, Abdelaziz, que tu voulais dire? Oui. Que si par exemple le repas il est servi et que, par exemple, c'est dans la prière, on peut manger. La sunna, c'est ça? C'est de manger avant. Naam. Un hadith, Naam. Naam. Tu manges quelque chose et ensuite tu vas aller prier. Tu vas rejoindre le groupe, inch'Allah. D'accord? Donc, le troisième pilier, قراءه الفاتحه في كل ركعه عن عباده بن صامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. D'accord? Le hadith est clair. Il est aussi le hadith est muttafaq alayh, c'est-à-dire rapporté par Bukhari et Muslim dans leur sahih. Pas de prière pour celui qui ne récite pas la sourate d'ouverture, d'accord, du livre. C'est-à-dire de la Fatiha du Coran. Celui qui ne récite pas la Fatiha, sa prière est invalide. Sa prière est invalide. Donc, comme on va le voir en fait dans les prosternations de distraction, d'accord, celui qui a oublié, qui a eu une distraction, dans le cas là où est-ce qu'il a oublié de réciter la Fatiha. Ça n'est pas arrivé, il est comme ça et il ne sait même plus est-ce qu'il a récité la Fatiha. Il a enchaîné directement sur une sourate. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est un pilier, là. C'est un pilier. Il doit reprendre la rak'a, barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il différencie à une obligation? C'est que s'il a passé l'obligation, il n'est pas obligé de revenir le faire. D'accord? Il ne le refait pas, mais il fait deux prosternations avant le teslim. D'accord? Tandis que celui qui rate un pilier, et il s'est rappelé qu'il a raté un pilier, il doit recommencer ce pilier-là. Et après, il va faire des prosternations. Et après, en plus, il rajoute les prosternations après les salutations finales. D'accord? Donc le hadith, donc, pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالقراءة ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné celui qui avait fait mauvaisement sa prière. Il lui a ordonné donc de réciter la Fatiha, il lui a dit ensuite, fais cela dans toute ta salate. D'accord? Ça veut dire dans les... Par exemple, si c'est une prière à deux rak'at, dans les deux rak'at, chaque rak'at, tu dois avoir la récitation de la Fatiha d'abord. D'accord? Et dans quatre rak'at, eh bien, dans les quatre rak'at, tu dois avoir dans chaque rak'at, lorsque tu commences la rak'a, tu dois avoir la récitation de la Fatiha. Si c'est trois rak'a, c'est pareil. D'accord? Barakallahu fikoum. Le quatrième et cinquième pilier de la prière, ar-ruku' wa tma'nina fih. L'inclinaison et le fait d'avoir la tranquillité. D'accord? Donc vous voyez là, dans ce que je vous ai donné, c'est la tranquillité dans l'accomplissement de chacun de ses actes. Tranquillité dans l'accomplissement de chacun de ses actes. C'est pour cela que celui qui prie à la vitesse de la lumière, il y avait un imam là-bas au Pakistan, là, qui est... D'ailleurs, ils ont mis la vidéo sur YouTube. Il priait, il dirigeait la prière, mais d'une rapidité que j'ai jamais vue de ma vie. Il récitait très rapidement la Fatiha, et ensuite il disait Allahu Akbar, Sami Allah al-Manda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'était comme ça. Les gens ont terminé la prière, ensuite ils sont partis tous le frapper. Subhanallah. Et après il faisait montrer comment qu'il était avec les bleus et tout ça. Et puis il disait, je comprends pas, après il me frappe. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mais ça invalide la salate. Hein. S'il y a quelqu'un où est-ce que t'as pas la tranquillité, il dirige la prière, il fait Allahu Akbar, Sami Allah al-Hamda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu recommences la prière, elle est invalide. Tu recommences la prière car elle est invalide. Il faut avoir cette tranquillité-là, on doit craindre Allah Azza wa Jal. Tu viens adorer Allah Azza wa Jal, subhanallah. Tu viens appliquer un acte d'adoration qui a été révélé au 7e ciel, subhanallah. Il y a juste par rapport à la tranquillité. Celui qui a fait la prière, al-musi salatahu. celui qui a fait mauvaisement sa prière. D'accord ? Parce que, notamment, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit « Retourne et prie car tu n'as pas prié ». Parce qu'en fait, il était très rapide dans sa prière. À peine il descendait dans le soujoud, il se relevait. Hein ? Comme on dit la prière du coq. Vous voyez, lorsque le coq il fait, il picore, barakallahu fik. Lorsqu'il picore, vous voyez, eh bien c'est, tac, à peine, ah, il a picoré, il se relève. D'accord ? Donc ça, c'est pas comme ça. Non. C'est quoi le nom ? Non. Le professeur, il a questionné, il dit c'est vous qui êtes le pire voleur ? Les Sahaba, donc ils ont mentionné, ils ont dit c'est celui qui vole ça. Le professeur, il a dit non, je suis le pire voleur, celui qui vole les instances à Salat. Il doit profiter du bien de sa prière, mais il le vole. Non. Ils sont volés dans la Salat. Et ça, c'est Allah al-Musta'an. Vous voyez le fait de ne pas donner d'importance à cela. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Salat wa Hakum Tarikuha, a mentionné une parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qui est imam Ahl al-Sunnah, qui a dit que la portion d'islam d'un individu est proportionnel à sa portion qu'il a dans la salate. Et le fait que un individu donne de l'importance à la prière, eh bien, cela signifie qu'il donne de l'importance à l'islam. Et celui qui ne donne pas de l'importance à la prière ne donne pas de l'importance à l'islam. Subhanallah. Celui qui ne donne pas de l'importance à la prière ne donne pas de l'importance à l'islam. Et vous connaissez tous, donc ce hasard, on en avait parlé tout à l'heure, là. Lorsque Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, s'est fait poignarder lors de Salat al-Fajr. Et celui qui l'a poignardé, c'était un kafir qui s'est fait passer pour un musulman en se mettant derrière lui, puis il l'a poignardé. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a dit, il a loué Allah que celui qui l'a poignardé n'était pas musulman, n'a pas fait une raka avec lui. Tu vois ? Parce qu'à peine il a fait Allahu Akbar, ensuite il l'a poignardé. Il a fait le takbir d'ouverture, puis il a été poignardé. Il a ordonné donc que la prière soit faite et il leur a dit « Pas de portion en islam pour celui qui délaisse la prière. » Pas de portion en islam pour celui qui délaisse la prière. Et les sahabes étaient présents et aucun d'entre eux aucun d'entre eux a dit non. Quand même pas, ou... D'accord ? Ils ont tous gardé le silence. Parce que ça ne se faisait... Ça n'existait pas du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui priait pas. Il n'y a pas de... Un sahabi, c'est quelqu'un qui est... C'est un musulman, du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les prières. Il n'y avait pas, un tel, « Ah, il fait pas ses prières. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Le pacte qui est entre nous, c'est la prière. » Quiconque la délaisse a mécru. Maintenant, on ne peut pas utiliser barakallahu fik, quelqu'un qui s'est converti, d'accord, un sahabi, quelqu'un qui est devenu un sahabi, s'est converti à l'islam, puis directement il est parti combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été tué. Et les gens essaient d'utiliser ça en disant, mais voilà, regardez, ou bien cet enfant qui était juif et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, et que je suis, et que Mohammed est le serviteur et envoyé d'Allah. Il a regardé son père, et son père lui a dit, Ati Abel Qasim, obéis à Abel Qasim, yani au prophète Mohammed. Et l'enfant, il s'est mis à dire cela. D'accord ? Et donc, il est entré dans l'islam. Et le fait qu'il meure après, il n'a pas eu le temps de prier. D'accord ? Il n'a pas eu le temps de prier. Mais lui, il avait des excuses. C'est qu'il s'est converti, il est mort. On ne parle pas de celui qui s'est converti à l'islam. Il vit 50 ans de sa vie. Et il ne fait pas une prosternation. Ni une inclinaison. Ni ne va aller prier. Subhanallah. Il faut qu'on différencie, barakallahu fikm, entre les Arabes et les musulmans. Il faut distinguer, il faut différencier, d'accord? Il faut qu'on comprenne qu'un musulman, c'est quelqu'un qui adore Allah, qui ne lui associe rien et qui se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un musulman. Mais celui qui n'adore pas Allah azza wa jal, ou qui ne se désavoue pas de ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est pas un musulman, ça. C'est pas un musulman. Celui qui ne fait pas ses prières, je suis désolé, ce n'est pas un musulman. Toutes les preuves, elles sont claires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le pacte qui est entre nous, c'est la prière, quiconque la délaisse est à mes crues. Même s'il croit qu'il est musulman parce que ses parents ils sont musulmans, ça ne va rien changer. Même s'il sait que la prière est obligatoire. Même s'il sait que la prière est obligatoire et il refuse de prier, ce n'est pas un musulman. Et du coup, c'est lui qui ne juge pas selon le Adana, c'est pareil. Non. C'est pareil, même s'il pense que c'est obligatoire, mais il juge quand même. Non, tu peux pas faire tu peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai écouté, ils disent. Non, ben non, parce que ceux qui utilisent ça, ils parlent sans science. Parce que le hadith sur la prière, barakallahu fik, il est spécifique à la prière. Tu vois? Celui qui, par exemple, Charles Lapierre, il dit, voilà, il dit celui qui a donné les salades, toi, si tu viens, tu dis c'est un kafir. Charles Lapierre, il dit, il ne faut pas t'enlever, t'as le hadith qui va avec. T'as le hadith qui va avec, exactement. Tu vois, après, il dit divergence par rapport à la paresse. Il y a une divergence par rapport à la paresse, mais l'avis le plus correct des savants, c'est que celui qui la délaisse a mécru. Et la divergence, tu vois, il y a quelques savants qui avaient parlé en utilisant des hadiths, mais il y a une très très bonne explication de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin en disant que lorsqu'il avait balayé toutes les preuves de ceux qui pensaient qu'ils ne tombaient pas dans la mécréance, s'ils considéraient l'obligation de la prière, il avait dit, et c'est le message que j'ai envoyé d'ailleurs sur le groupe Barakallahu Fik, tu le liras, tu auras les 5 points et tu verras 40 dedans. Ce n'est pas possible, le Shir dit, ce n'est pas possible que celui qui a le poids d'un atome de foi dans son cœur et délaisse la prière, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce qu'il dit. C'est pas possible. Tu dis que... T'as la foi dans ton cœur et tu délaisses la salade. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que lorsqu'on m'appelle, pour la 20 frères, voilà, la première question, est-ce qu'il faisait ses salades? Il fait pas de salade, pas de lavage, pas de salade, pas de lavage. Et la communauté doit comprendre ça. Sinon, la communauté ne sera jamais éduquée. Alors, tu dis, est-ce qu'il fait ses salades? Questionne la famille. Si dans une demi-heure, j'ai pas de réponse, c'est que c'est mort. C'est qu'il faisait pas sa salade. Donc, il n'y a pas de lavage. Que la communauté, que ceux qui s'affilient à la communauté musulmane savent que celui qui meurt et qui ne faisait pas ses salettes, on ne le lave pas, on ne lui met pas le linceul et on ne fait pas de salette sur lui. On fait un trou quelque part là et puis il est enterré. Non ? Pourquoi je disais ça ? Parce que j'ai entendu que ça fait partie de l'apostasie en tout cas. De ? Le fait de laisser la prière. Si le musulman, il a apostasie. S'il a prié, par exemple, il délaisse la prière. Mécréant. C'est un mécréant. Et du coup, là, c'est l'exécution, en ce cas. Eh bien, ça, c'est devant un juge, déjà, islamique, comme par exemple, qui applique la chère, comme par exemple en Arabie Saoudite, où est-ce qu'ils appliquent la législation d'Allah. Donc, eh bien, il ramène devant le juge, et il lui donne une période de 3 jours. C'est ce que dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc, il lui donne 3 jours pour se repentir. Il lui montre les preuves, il lui dit, voilà, sur la salette, eh bien, si tu ne... Regarde ce qu'Allah Azza wa Jal dit, regarde ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il lui rapporte toutes les preuves, il lui donne 3 jours pour se repentir. S'il refuse de prier et préfère la mort à la prière, alors le juge décidera qu'il se fait exécuter et il meurt en tant qu'apostat. Mais s'il s'est repenti durant cette période de 3 jours, alors il est laissé libre. D'accord ? Mais l'individu qui délaisse la prière, par exemple, il y en a un, il s'est converti, il prie, après il a fait son mariage avec une musulmane, et après il s'est mis à délaisser la prière. Il y a des cas qui sont comme ça. Le fait de délaisser la prière invalide l'acte de mariage. Ça veut dire que c'est plus ta femme. C'est plus ta femme. T'as plus le droit de vivre avec elle si tu délaisses la prière. La femme, elle fait comment? Soit lui quitte, soit elle quitte le logement. Elle doit quitter. Si lui refuse de quitter, elle doit sortir. Ils ne peuvent plus vivre ensemble. Ça annule, ça invalide le contrat de mariage. Donc si il veut la garder comme femme, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il doit se repentir et faire la salette et refaire un nouvel acte de mariage. Oui. Yani, c'est pas un jeu l'islam, c'est pas une porte battante, hein, comme un ranch là où est-ce que les gens ils rentrent et ils sortent comme ils veulent. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, même s'il croit qu'il est musulman, hein, et oh, je jeûne, je fais mon mois de ramadan. Si tu veux, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mais dans ta tombe, même si tu trompes les musulmans en disant non, c'est un musulman, tu trompes et tout cela, et puis les gens ils vont le laver parce qu'ils pensaient que c'était un musulman, parce que la famille leur a fait croire que c'était un musulman, ils l'ont lavé, bah dans la tombe, il aura le châtiment de la tombe, parce que les kofars reçoivent les châtiments de la tombe. Et il sera en enfer s'il est mort, d'accord, sans faire sa prière. Donc, barakallahu fikum. Et vous voyez d'ailleurs ce hadith-là, sur celui qui faisait mauvaisement sa prière, la tranquillité dans l'accomplissement de chacun de ses actes, qui est un des piliers donc de la salate. Lorsque cet homme-là est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant cet homme-là qui faisait ses prières, mais qui les faisait de façon mauvaise, et que donc elles étaient invalides, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il serait resté sur quoi il était, il entrerait en enfer. Il serait entré en enfer, subhanallah. Vous voyez? Donc, on se doit de craindre Allah Azza wa Jal. Donc, le ruku' wa tma'nina, لقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. Donc, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Hajj, verset 77, dans la traduction du sens du verset, ô vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous. Donc, ça, l'inclinaison, d'accord? Et tma'nina, la tranquillité dans l'accomplissement de chacun des gestes. ولقوله للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Et également ce qu'il a dit à celui qui faisait mauvaisement sa prière, puis incline-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé dans ton inclinaison, que tu sois tranquille. D'accord? Le sixième et septième pilier de la prière, al-i'tidal ba'd ar-ruku' wa tma'nina fih. Le redressement après l'inclinaison, donc ça c'est un pilier. Donc par exemple, quelqu'un, ça peut arriver, hein, il est en inclinaison et il descend directement en soujoud. Pourquoi tu pries? C'est arrivé. Yani, au lieu de se relever, il reste comme ça et puis il descend parce qu'il pensait à autre chose. Subhanallah, ça peut arriver ça. Et bien donc il a raté, hein, un pilier, donc il doit recommencer. Il doit recommencer parce que la raka'a, c'est quoi? C'est une station debout, une inclinaison, relevé de l'inclinaison et deux prosternations. Ça c'est une raka'a. Donc s'il y a un pilier qui manque durant cette raka'a, il faut recommencer la raka'a. Non, la raka. Par exemple, je prie. Et j'ai oublié de réciter la fatiha. D'accord? J'ai commencé par une sourate directement autre que la fatiha. Et je fais mon recours, je me suis relevé de mon recours. Et je me suis rappelé, après m'être levé de mon recours, ou après m'être mis en prosternation, disons après m'être levé de mon recours, je me suis rappelé que j'ai oublié la fatiha. Donc je ne compte pas ce que je viens de faire et je recommence la raka'a en recommençant la fatiha. Tu te relèves tout de suite, voilà, parce que tu as oublié. La fatiha c'est un pilier, donc tu l'as oublié, tu es obligé de recommencer. Et tu ne comptes pas ce que tu viens de faire. Et une fois que tu as terminé, tu fais deux prosternations après le taslim. Deux prosternations d'oubli après le taslim. Et on avait vu que ce qui est correct, c'est de ne pas refaire le tashahhud. D'accord? Donc, ça c'est pour le sixième et septième. Donc, l'i'tidal, le fait de بعد الركوع وتمأنين فيه. Le fait de se... Naam, c'est en direct. Non, c'est en direct. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, barakallahu fikum, le fait de se redresser de l'inclinaison et être apaisé. Donc, on a cette tranquillité-là, on est redressé et on a cette tranquillité-là avant de descendre en prosternation. D'accord ? عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. Le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم, a dit selon Abi Mas'ud al-Ansari رضي الله عنه, la prière de celui, donc n'est pas suffisante la prière de celui dont son dos n'est pas redressé, d'accord ? Donc n'est pas, yani, redressé lors de l'inclinaison et de la prosternation. C'est-à-dire que tu dois t'assurer que ton dos il est droit. D'accord ? D'une part. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للموسي صلاته. Donc ça, il avait rapporté donc la preuve ici donc de l'inclinaison et de la prosternation, alaykoum salam, et de la prosternation, alaykoum salam. Donc, قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسي صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Puis relève-toi jusqu'à ce que tu sois droit en station debout. D'accord ? Sois droit en station debout. Le huitième et neuvième pilier est sujoud ou itma'nina fihi, la prosternation et la tranquillité dans la prosternation. Li qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu, par la parole d'Allah dans la traduction du sens du verset, donc c'est 77 de sourate al-Hajj. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam lilmusi salatahu thumma ajjud hatta tatma'inna sajidan thumma arfa hatta tatma'inna jalisan thumma ajjud hatta tatma'inna sajidan. Et vous voyez dans ce hadith là de celui qui a fait mauvaisement sa prière, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: puis prosterne-toi jusqu'à ce que tu aies la tranquillité dans ta prosternation, puis relève-toi de cette prosternation-là en t'asseyant jusqu'à ce que tu aies la tranquillité lorsque tu es en position assise, d'accord, entre les deux prosternations, Yann. Puis prosterne-toi, d'accord, jusqu'à ce que tu aies cette tranquillité-là dans la prosternation. Et vous voyez, lorsque, subhanallah, on applique les ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on commence à ressentir, yani, cette saveur-là de la salate. Lorsque la salate, elle est bien faite. Et lorsque la récitation, elle est bien faite, la salate, elle est bien faite, l'imam qui fait cela, Allahumma barik, il fait cela selon la sunna, tu ressens la saveur de la salate. Et tu la ressens comment, la saveur de la salat, notamment? C'est déjà que toi, à ta première vision, tu sais que l'imam, c'est quelqu'un qui est sur la sunna. Mais ce qui dérange, c'est lorsqu'il n'est pas sur la sunna. C'est ça qui est Allah musta'an. Les gens, ils viennent, ils craignent même pas Allah Azza wa Jal. Ils veulent diriger la prière, ils savent même pas réciter la fatiha. Ils ont leurs vêtements qui traînent par terre, ils ont rien de la sunna. Et ils veulent diriger la prière. Mais puis subhanallah, c'est ça qui est Allah musta'an. Mais Allahumma barik, dès qu'il y a ça, moi je m'en souviens, une fois au Royaume-Uni, il y en avait un qui était sur la sunna, mashallah. Il venait d'ailleurs d'Arabie Saoudite, il venait diriger la récité pendant le mois de Ramadan, et c'était pendant la prière du Fajr. Allahumma barik, il avait récité sourate Tawba. La récitation, elle était longue, le rukou, il était long, le soujid, il était long. Et tu sais, dès que c'est le Fajr là, et tu sors, et puis tu vois, l'air il est frais, et t'as une salette comme ça, Allahumma barik. Donc il continue à rester dans la prière. Tu vois? Tu vois, Subhanallah. Si Allah va pas, j'avais peur. J'ai dit qu'on Allah va pas, on savait que c'était pas. Subhanallah. Déjà, mais ça, c'est Allah Moussa'an, c'est ce que le subhanallah, yani, tu vois le ressenti que tu as. Parce que c'est pas juste une parole, tu dis Allahu Akbar et une parole, c'est tout qui est dite. Mais c'est tout ce que cela inclut lorsque tu repenses à l'importance et à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez, mais. Moi, je ne suis pas étonné de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et lorsque vous lisez sa biographie, subhanallah, il priait salat al-fajr. Et il restait jusqu'au dhuhr en train de faire du dhikr. Il restait jusqu'au dhuhr. Et il disait qu'il se devait d'avoir cela pour pouvoir commencer à méditer correctement sur les questions religieuses. Subhanallah. Il restait à méditer sur la création. Mais ça, c'est parce que tu vois, chaque chose, tellement que t'es dans le dhikr d'Allah, t'es dans la science, et bien chaque chose que tu vois, subhanallah, tu vois, regarde ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé, la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, ce qu'il a créé, ce qu'il a fait, ce que regarde, subhanallah. Mais parfois tu sors dehors, tu vois les constellations. Regarde la position des étoiles dans le ciel, fixe, pendant je ne sais pas combien de siècles elles sont comme ça. La parfaite position. Il n'y en a pas une qui est une année, c'est une constellation qui est. La forme, elle est modifiée, elle est bizarre, elle est. Vraiment une parfaite position des étoiles, subhanallah. Tu vois les signes, Yahi, tu vois les signes, subhanallah, dehors, tu vois la feuille qui tombe. Dès que tu vois des feuilles par terre. Là, tu marches, Yahi, barakalofik. Tu marches, tu prêtes même plus attention aux feuilles qui sont sur le sol. Lorsque tu médites, que tu vois là, cette feuille-là qui est tombée, regarde là, ici, sur Caen, en Basse-Normandie, en France. Alors qu'il y a je ne sais pas combien de feuilles qui tombent sur la planète. Sur la planète, tu vois, partout dans le monde, il y en a. Eh bien, cette feuille-là, précisément, Allah Azza wa Jal sait qu'elle est tombée. À quel endroit elle est tombée, il sait que cette feuille-là est tombée là. Subhanallah. C'est pas tu marches, là tu regardes, tu dis, Allah Akbar. C'est-à-dire que si Allah Azza wa Jal, il sait cela. Et tu sais qu'Allah Azza wa Jal sait ce que tu penses toi à l'intérieur. C'est Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an, akhi. Mais ça vient, regarde, subhanallah, regarde les savants de la sunna, akhi. Tu vois, lorsqu'on parle des savants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et que l'uhum al-ulama masmouma. La chair des savants est empoisonnée. Vois les savants. Moi, je te parle des savants qui sont sur la sunna. Je ne parle pas des innovateurs, des égarés, des têtes de l'égarement là, qui passent à danser dans leur mosquée et puis à égarer les gens. Donc, moi, je te parle des savants de la sunna qui se cramponnent sur le Coran et la sunna et qui se réfèrent à l'explication, à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Les savants qui craignent Allah Azza wa Jal comme il se doit. Il ne prend pas un verset et puis il te l'explique comme ça de sa tête. Subhanallah. Eh bien, leur chair est empoisonnée. Vois que le temps qu'ils passent dans la science, dans le dhikr, subhanallah, dès que tu vois, subhanallah, regarde, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Qayyim, subhanallah, l'imam al-Nawawi, là qu'on est en train de voir, l'Arba'in al-Nawawi, on avait vu dès qu'on avait commencé la biographie, subhanallah, yani que son flanc a rarement touché le sol. Il passait la majorité du temps assis, en train d'étudier. Subhanallah. Et il dormait très peu. T'imagines? Subhanallah. Et aujourd'hui, les gens, ils viennent et ils commencent à traiter tous les savants. Ah, les savants du sultan, du je sais pas quoi. Subhanallah. On se doit de craindre Allah Azza wa Jalla comme il se doit. Tu vois ceux qui traitent ces savants-là? Tous ceux que j'ai vus qui traitent les savants de la sunna, en étant les savants des palais, des sultans, je les vois tous, ce sont tous des égarés. Ça, c'est un châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Ils ont voulu goûter à la chair des savants en les insultant. Eh bien, subhanallah, ils se sont retrouvés égarés, empoisonnés. On se doit de craindre Allah Azzawajal comme il se doit. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimallah, de Salat al-Fajr jusqu'à Salat al-Dhuhr en train de faire du dhikr, et nous, pour appliquer les adhkar après la Salat, subhanallah, on a du mal. T'imagines, toi? Yani pour prendre quoi, 5 minutes de notre temps à faire tous les adhkar après la Salat, on a du mal. Allah al-Musta'an, akhi, qu'Allah nous guide. Amin. Donc, barakallahu fikum. Naam. Donc, on en était au sujoud, à la prosternation et à la tranquillité dans la prosternation. D'accord? Et on avait vu aussi la semaine passée le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné donc les 7 membres que l'on doit avoir lors de la prosternation, qui sont l'Aziz, les 7 membres. Les mains prosternées. Prosternées, oui. Les mains collées, les mains, les pieds. Commence par le début. Le front, ça inclut quoi? Front et Le front et le nez. D'accord? On se rappelle du hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas de salat pour celui dont son nez ne touche pas le sol. Celui qui ne touche pas le sol avec son nez, sa salat est invalide. Donc, il avait, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait montré donc, son nez en disant le front. Donc le front et son nez, donc ça fait un. Les deux mains avec les doigts qui sont joints et en direction de la qibla, donc ça fait 3, les deux genoux, 4-5, et les deux pieds joints et les orteils en direction de la qibla, ça fait 6-7. D'accord? Donc, et c'est le hadith, donc la preuve, c'est le hadith de Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. J'ai été ordonné de prosterner sur 7 os. على الجبهة وأشار بيده على أنفه. Donc il a dit sur le front et en mentionnant le nez. واليدين les deux mains, والركبتين les deux genoux, وأطراف القدمين et le bout des orteils. D'accord. وعن ابن عباس أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, comme dans le hadith qui est rapporté donc par Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma également, pas de prière pour celui dont son nez ne touche pas le sol comme son front. D'accord? Donc ça veut dire que le front et le nez doivent toucher le sol. Par exemple, on peut prier dans un endroit où c'est pas évident de poser son tête sur quelque chose. Barakallahu fik, jazakallahu khir. Parce que ça, c'est un point d'ailleurs que j'allais oublier de le mentionner. Donc la question a été posée ça au savant sur le fait que si tu mets juste un bonnet, voilà, un mouchoir, ce sera juste la partie du front et du nez là qui vont être couverts, mais pas les mains. Non, si tu veux, alors tu mets, je sais pas moi, une écharpe, ou est-ce que tes mains seront au niveau de tes oreilles durant la prosternation et ton nez et ton front seront aussi sur cette même écharpe là comme tes mains le sont. Mais c'est pas correct de mettre quelque chose juste pour le nez et le front, et puis les mains ne sont pas sur ce tissu-là. D'accord? Ça doit être sur la même partie que le nez, le front et les deux mains doivent être. D'accord? Non, c'est ça, on le voit beaucoup. Et il y en a, ils font ça. Les gens, Allah al-Musta'an, au lieu d'essayer de s'éduquer, ils craignent pas Allah Azza wa Jal. Ils voient des chiites faire quelque chose, les chiites, là, ils font quelque chose, et eux, ils veulent faire comme eux. Ils posent un mouchoir, ah bah oui, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui toussent. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il va poser juste un mouchoir pour recouvrir cette partie-là. Subhanallah. Alors, on avait vu donc le hadith, on avait dit donc de Ibn Abbas radiallahu anhuma, pas de prière pour celui qui, dont son nez ne touche pas le sol comme son front. Le 10e et 11e pilier, al-julus bayna sajdatayn wa tma'nina fihi. Donc, la position assise entre les deux prosternations et la tranquillité dans cela. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. Et donc ça c'est le hadith que l'on a mentionné tout à l'heure qui est dans le Sahih. Où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc n'est pas suffisante la prière pour celui dont son dos ne se met pas droit. D'accord ? Lorsqu'il se relève donc du recours ou bien de la prosternation, il faut que le dos il soit droit. Il ne faut pas qu'il reste comme ça, courbé. Il faut qu'il soit bien droit. D'accord ? ولأمره صلى الله عليه وسلم المسي صلاته بذلك كما مر في السجود. Et également dans le hadith de celui qui a fait mauvaisement sa prière, que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a ordonné cela. Le douzième, التشهد الأخير. Le تشهد الأخير. Le dernier تشهد, ça fait partie des piliers de la prière. Alors, le premier تشهد. Premier tashahhud. Abdel Aziz. Pourquoi alors? Parce que le premier tashahhud fait partie des obligations. Tandis que le dernier tashahhud fait partie des piliers. Donc ça c'était le dernier tashahhud qui lui fait partie donc des piliers, on a dit. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna naqulu qabla an yufrad alayna at-tashahhud السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله الحديث قال الحديث الصحيح. Donc le dernier tashahhud selon Ibn Mas'ud رضي الله عنه il a dit nous étions avant que le tashahhud devienne obligatoire pour nous, nous disions que le salut soit sur Allah, sur Jibril, sur Mikaïl. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit ne dites pas cela comme ça, mais dites at-tahiyyatu lillah, as-salawatu at-tayyibatu, d'accord ? Que le salut, que les éloges, yani, vous voyez ce que l'on dit, il aura appris comment faire le tashahhud. Il dit fa'ida, donc il y a une fa'ida ici. أصح سيغة التشهد ما رواه ابن مسعود رضي الله عنهما. Donc là il dit en fait la façon la plus authentique au plan. Dès qu'on dit la plus authentique, ça veut dire quoi? Plus proche de la Sunna. Bah si par exemple c'est rapporté par le Bukhari, c'est aussi proche de la Sunna. Si c'est rapporté par Muslim, c'est aussi authentique. Donc la plus authentique. Non, c'est l'unanimité, Bukhari et Muslim. Ça veut dire que lorsque le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, l'authenticité est beaucoup plus forte qu'un hadith qui est rapporté uniquement par Al-Bukhari. Bien que ça reste authentique, d'accord ? Mais c'est beaucoup plus fort, d'accord ? C'est beaucoup plus fort. Donc, ce qui est le plus authentique, la façon de dire le tashahhud, donc ce qui était rapporté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qala allamani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tashahhud. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le tashahhud. Kaffi bayna kaffayhi kama yu'allimuni as-sura min al-Qur'an. Donc j'étais complètement en face de lui comme il m'apprenait les sourates du Qur'an. Yani le Abdul ibn Mas'ud radi anhu donc disait voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné cette tahiyya là, d'accord? Donc c'est at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibatu, as-salamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. D'accord? فَإِذَا أُخْرَى قَوْلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Donc il y a une autre faïda ici concernant sur le fait de dire السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. D'accord. Il va, en fait il rapporte, si je me souviens bien, c'était avec l'explication de l'imam al-Albani rahimahullah sur le fait de dire السَّلَامُ عَلَى النَّبِيُّ. As-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce que avait là, il avait rapporté en fait une explication donc de l'imam l'Albani dans Sifat as-salat. Il a mentionné en fait ce que Aïcha radhiyallahu anha et ce que Abdallah ibn Mas'oud radhiyallahu anhu avait mentionné donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait à dire as-salam ala nabi. D'accord? Au lieu que ce soit as-salamu alayka ayyuha an-nabi. Cependant, le cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, lorsqu'il avait demandé à quelqu'un de faire donc le tashahud, de faire le tashahud, il lui a dit de le faire et il s'est mis à dire comme l'imam l'Albani, rahimahullah, l'avait expliqué. C'est-à-dire de dire Assalamu ala nabi, au lieu de dire Assalamu alayka ayyuha nabi. Eh bien, le cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, lui a dit de dire Assalamu alayka ayyuha nabi. Il lui a dit parce que c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à Abdallah ibn Mas'oud. D'accord? Et qu'il est mort et c'est resté sur cela. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est resté sur cela. Donc on se tient sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné à Abdallah ibn Mas'oud radiyallahu anhu. Mais l'imam l'Albani rahimallah avait dit: ça, c'est la compréhension de Abdallah ibn Mas'ud et Aïcha radiallahu anhum. D'accord? Que eux, ils l'ont compris qu'après la mort. Mais l'imam Mohammed bin Salah al-Uthaymeen, rahimallah, il dit qu'il faut se tenir donc à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. D'accord? Barakallahu fikum. Donc, on va terminer avec les piliers de la salat, inshallah. Le 13e pilier. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. Ce qu'on avait mentionné, barakallahu fikum, dans le 12e pilier, c'est le tashahud, le dernier tashahud, d'accord? Dernier tashahud. On avait dit que le premier tashahud était une obligation. Le dernier tashahud, c'est la première partie, d'accord? Et le 13e pilier, c'est la salate على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a vu un homme qui priait mais il n'a pas loué Allah et il n'a pas dit que les éloges et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed. D'accord? Donc, il n'a ni loué Allah, ni envoyé le salam sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, et après, il est parti. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هَذَا. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, donc celui-là a été rapide. فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ. Il l'a alors appelé et a dit et aux autres. D'accord. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. Il a dit quiconque d'entre vous prie, d'accord, et bien qu'il se met à évoquer la grandeur d'Allah, de son Seigneur, d'accord, et qu'il se mette à envoyer donc le salam sur le prophète صلى الله عليه وسلم, puis il invoque ce qu'il veut. Puis il invoque Allah Azza wa Jal de ce qu'il veut. D'accord? وعن ابن مسعود قال, et selon ابن مسعود رضي الله عنه قال, أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا صلى الله عليك. Donc il y a un homme donc qui est venu jusqu'à ce qu'il s'est assis près du prophète, près de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdallah ibn Mas'ud dit, et nous étions là, donc nous étions chez lui. Alors il dit à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, nous savons ce qu'est le salut sur toi. Cela nous le savons. Mais comment nous prions sur toi lorsque nous sommes dans la prière, dans la prière, dans notre prière? قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال. Le prophète Hassan est resté silencieux jusqu'à ce qu'on s'est dit qu'on aurait préféré que cet homme-là ne questionne pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: إذا أنتم صليتم علي, si vous avez donc envoyé donc le donc vous avez fait les prières sur moi, فقولوا, donc comment que tu dis la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, tu dis اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الحديث. Tu dis, oh Allah, littéralement c'est pris, mais on avait vu hein, ce que ça veut dire, sallallahu ala Muhammad. Ça veut pas dire qu'Allah il prie, d'accord. Ce que ça veut dire que les prières d'Allah soient sur Muhammad, ça veut dire quoi ça? Vas-y, tiens. C'est que les éloges d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah azza wa jal fait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux anges. D'accord? C'est-à-dire que Allah azza wa jal fait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux anges, c'est ça. D'accord? Barakallahu fik. Allahu akbar. Subhanallah, c'est. Je croyais que c'était à 30 le Maghrib là. C'est 15, hein? On va terminer ça, comme ça on verra inchallah la semaine prochaine les obligations de la salate, d'accord? Fa'ida afdalu sayr as-salat 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma rawahu Ka'b bin Ujra qala qulna ya rasulullah qad 'alimna aw 'arafna kayfa as-salamu 'alayka fa kayfa as-salat qala qulu. Donc là, c'est comment en fait on fait la salat, ce qu'on dit hein, la salat l'ibrahimiya. Et ce hadith-là est rapporté par le Bukhari et Muslim, ça veut dire que c'est le plus authentique. C'est que tu dises Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala ali Ibrahim. D'accord? On dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala ali Ibrahim. D'accord? Wa barik ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. D'accord? Ça c'est là. Façon, mais ça, inchallah, je vais vous le ressortir ça pour la semaine prochaine, inchallah bin. Et le dernier pilier, le 14e, donc c'est As-Salam. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, iftah as-salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Donc le 14e pilier, c'est le fait de faire le salam alaykoum. D'accord? C'est le taslim. D'accord? Du hadith qui est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la clé de la prière, c'est les ablutions. Ce qui rend tout illicite, c'est le takbir d'ouverture. Et ce qui rend tout licite, c'est le fait de faire le taslim. D'accord? On a fait 14 là. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes. Non, c'est parce qu'en fait, dans le livre, c'est qu'il a mis avec la tranquillité. Yani, dès qu'il mentionnait la prosternation, il mentionnait avec la tranquillité. Parce qu'ici, il y a se tenir debout pour celui qui en a la capacité, le takbir d'ouverture, rester le fait. Non? Vous n'avez pas évoqué l'ordre entre les piliers. Et c'est évoqué ici. Ah oui, là, ils l'ont mentionné. L'ordre dans les piliers, on n'avait pas mentionné ça. D'ailleurs, Barakallahu fik de l'avoir mentionné, ça. L'ordre entre les piliers. Il faudrait que je revoie, mais je pense qu'effectivement, je ne me souviens pas d'avoir mentionné ça. Donc, je pense que... Ça fait partie de validité de l'acte. Comme on mentionnait les six... Naam, oui, exactement, Barakallahu fik. Dans la concrétisation du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que tu ne dois pas précéder l'inclinaison à... Tu ne dois pas précéder, par exemple, la prosternation à l'inclinaison. Ou tu ne dois pas précéder, je ne sais pas moi, l'inclinaison à la récitation de la fatiha. Ça fait partie, naam, des piliers. L'ordre entre les piliers, exactement, Barakallahu fik. Jazakallahu khair d'avoir mentionné cela, et heureusement que tu l'as mentionné, parce que... faudrait que je relise, parce que c'est peut-être hein, mentionné dans une des... à l'intérieur, mais je me souviens pas, c'est vrai, de l'avoir mentionné ça. Donc il y a bien sûr donc se tenir debout pour celui qui en a la capacité, le takbir d'ouverture, réciter la fatiha, l'inclinaison, le redressement après l'inclinaison, la prosternation sur les sept membres, le redressement après la prosternation, s'asseoir entre les deux prosternations, la tranquillité dans l'accomplissement de chacun de ses actes. Ah, parce que dans le livre, il a mis à chaque fois la tranquillité. À chaque fois, il mettait par exemple un pilier, il mettait avec la tranquillité qui était aussi le pilier. L'ordre des piliers, le dernier tashahhud, s'asseoir pour le réciter. En fait, là, il y a deux. Ah, s'asseoir pour le réciter, ça c'est rajouter ça. Parce que tu vois, s'asseoir entre. Il y a ça. Il y a s'asseoir pour le réciter, mais il y a même aussi. Ils mettent. Redressement après la prosternation. Après la prosternation, non. Et s'asseoir entre les deux prosternations. C'est la. Ouais, donc ça c'est ça qui fait peut-être que les 13 et donc le 14. L'i'tidal, tu vois, l'i'tidal c'est le fait d'être droit, le redressement. Mais il dit l'i'tidal, le redressement avec la tranquillité. Donc le redressement c'est différent de s'asseoir. Non. Le redressement ça va être différent de s'asseoir parce qu'ici il y a non. Le redressement après la prosternation. Tu dois s'asseoir, mais tu dois être redressé aussi. C'est-à-dire, tu ne dois pas être assis comme on avait vu et puis le dos courbé. Tu vois, c'est aussi un autre point, ça. De toute façon, je vais relire tout ça là, dès que j'ai à ta maison. Inch'Allah. Mais donc, il y en a bien 14, Barakallahu Fik. Mais Barakallahu Fik d'avoir mentionné sur ça là. Je vais revoir sur ces points-là. Donc, on a se tenir debout. Celui qui en a capacité, le takbir d'ouverture, récitation de fatiha, l'inclinaison, le redressement, la prosternation sur sept membres, le redressement après la prosternation, s'asseoir entre deux prosternations, la tranquillité dans l'accomplissement de chacun de ses actes, l'ordre entre les piliers, le dernier tashahhud, s'asseoir pour le réciter, et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux salutations. Oui, vous voyez là dans ce que vous avez. Non, le dernier tashahhud il y est aussi, oui. Je vais relire ça, Inch'Allah. Je vais relire ça et je vous tiens. Ça, je vais le garder, ça, pour. J'en réimprimerai un autre et puis tu le donneras à Yassine, Inch'Allah. Ou bien non, même de même, mais donne-lui. Donne-lui, Inch'Allah, et puis, de toute façon. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. La semaine prochaine, on fait des obligations et je crois qu'on aura terminé avec. On aura terminé avec les obligations. On verra juste que le Cheikh Abdel Mohsen Abed et puis le Cheikh Salah Al-Fawzen concernant la prière en groupe. Et ensuite, on passera au troisième pilier qui est la zakat. D'accord ? Inch'Allah. Jazakallahu khair. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, il y aura le prochain cours, c'est mercredi soir sur les 6 fondements avec les explications de Cheikh Mohamed Ibn Hadi Al-Matkhili. Et puis la semaine prochaine, dimanche, donc, à la même heure, Inch'Allah. Jazakallahu khair, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.